Le comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a fait parvenir en prison au maréchal Kim Jong-un. Son secrétaire Taïsaïev, premier vice-président du conseil central du Parti communiste de l'URSS, Union des partis communistes, l'a remis le 7 juin à Kim Jong-un, ambassadeur coréen en Russie.